bon sou. Papa, où t'es? Version années 80. un petit peu. Une petite marque classique au milieu. Pas le truc. J'ai tout peur.